25 juin, bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les grandes articulations. Les musulmans du monde entier célèbrent ce 25 juin la fête de Ramadan. Cher Haruna Hunduiga, un des leaders musulmans, appelle les musulmans burundais à ne pas dépenser au-delà de leurs moyens. Le docteur, le dermatologue Eli Mupera appelle toute personne qui voit les premiers signes de la maladie appelée vitiligo à approcher les médecins. C'est au moment où ce 25 juin, le monde célèbre la journée mondiale de cette maladie. Il n'y a pas de piste adéquate pour les entraînements et les compétitions d'athlétisme au Burundi et la seule piste disponible se trouvant sur le stade de Prince Louis Rwagasore n'est pas en bon état. Ceci est dit par Silver Nsengiyumva, c'est le directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Jean de Dieu Ndayisenga à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Au moment où le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la fête du Ramadan, les musulmans burundais sont priés de continuer dans leur vie quotidienne à servir de bon exemple comme il l'était durant le mois de Ramadan. C'est un message de cher Haruna Hunduiga. Ce leader musulman demande à tous les musulmans de ne pas dépenser au-delà de leurs moyens, mais plutôt penser aux gens démunis, surtout les veuves et orphelins qui ne sont pas assistés. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Pascal Nguyenhunze. D'abord, je dois féliciter tous les musulmans qui ont pu terminer le mois sacré de Ramadan. Ils n'ont rien donné, c'est juste la grâce de Dieu. Mais aussi, nous devons savoir que ce jour, c'est un jour où nous devons partager la joie, en remerciant le Tout-Puissant justement qui nous a fait parvenir jusqu'à cette période. Et nous devons rappeler que le mois sacré du Ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam. Et c'est un mois qui intervient au 9e mois islamique ou arabe. Et pendant ce mois, les gens ont multiplié des invocations. Ils se sont rapprochés du Tout-Puissant, ils ont demandé pardon. Et aujourd'hui, justement, après la prière, nous demandons à tous les musulmans de partager le peu qu'ils ont, ne pas dépenser au-delà de leurs moyens. Mais surtout penser à ces gens démunis qui, aujourd'hui, après 30 jours de jeûne, n'ont pas à mettre sous la dent, qu'ils puissent aussi pouvoir célébrer cette journée. Penser aux veuves, aux orphelins, aux enfants de la rue. Les orphelins qui sont là, ils n'ont rien fait pour être orphelins. Il faudrait qu'aujourd'hui, ils puissent quand même oublier un tout petit peu, dire que même si leurs parents biologiques ne sont pas là, il y a d'autres parents qui peuvent s'en occuper. Donc nous saisissons cette opportunité encore une fois pour féliciter ces musulmans qui ont pu arriver à ce jour, tout en leur demandant de continuer les bonnes œuvres qu'ils faisaient pendant ce mois de Ramadan, ne pas dire nous avons terminé, donc nous pouvons retourner dans nos anciennes histoires, parce que le Tout-Puissant va nous juger sur tout cela. Il ne faudrait pas que nous ayons montré une belle face pendant les 30 jours pour pouvoir retourner dans des choses abominables. Nous devons continuer de l'avant et penser aux démunis, aux malades et à tout cela qui croupissent en prison. Cette fête est célébrée dans un contexte particulier, surtout sur le plan politique, selon toujours cher Haruna Hunduiga, à raison pour laquelle il demande aux hommes politiques de privilégier la voie du dialogue et de concertation afin de permettre même aux Burundais exilés de rentrer au pays. Suivez-le encore une fois. Nous devons continuer à demander au Tout-Puissant qu'il aide notre pays à sortir justement de cette période difficile que nous continuons à traverser, et aux hommes politiques et surtout, nous leur demandons de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, savoir que là où nous sommes, il y en a d'autres qui y étaient et demain il y en a d'autres qui y seront. Donc nous devons marquer notre nom dans l'histoire du pays, que demain après notre départ, les gens puissent dire non, il y a eu des responsables qui mettaient en avant l'intérêt supérieur de la nation. Nous en appelons donc à tous les responsables, surtout politiques, de mettre en avant le dialogue, et surtout le dialogue et la concertation, négocier pour arriver à un accord qui puisse être durable, qui nous puisse conduire au développement véritable, parce que nous avons soif de la paix et de la sécurité qui doivent nous conduire à un développement durable. Que cette année 2017 puisse se terminer, tous les réfugiés burundais, tous ceux qui sont installés à l'extérieur, étant retournés dans le pays pour développer notre pays ensemble. Cheikh Haruna Ndouiga, un des leaders musulmans, eh bien, la fête du Ramadan a été célébrée au niveau national dans la province Ngozi, où le représentant légal de la Comibou, Cheikh Sadiki Kajandé, le premier vice-président Gaston Sindimo, se sont joints aux musulmans de cette province de Ngozi. Poursuivons ce journal à 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro par une page culturelle. Le directeur de l'Institut Confucius qui enseigne la langue et la culture chinoise à l'Université du Burundi appelle les élèves des écoles secondaires et ceux de l'Université du Burundi qui ne l'ont pas encore fait de venir s'inscrire à cet institut pour apprendre la langue chinoise comme ils le font pour les autres langues. Joseph Nzeimana a lancé cet appel ce samedi lors du concours organisé pour retenir deux candidats du secondaire qui vont se rendre pendant l'été dans une ville chinoise dans une compétition internationale sur la langue et la culture chinoise. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. Irakoze Loïc est l'un des deux candidats du secondaire retenu pour cette compétition internationale qui se déroule en Chine au cours du mois d'août de l'année en cours. Il se dit satisfait pour avoir été le premier lors de ce concours organisé dans les enceintes du campus Kidili. Je m'appelle Irakoze Loïc. Mon nom en chinois c'est Yemu. Je suis très content d'avoir été le premier dans ce concours. C'est grâce à Dieu, car c'est lui qui m'a protégé. J'ai pu étudier sans problème et j'ai réussi et c'est pourquoi j'ai été le premier. Il m'a été facile d'apprendre la langue chinoise car la langue c'est vraiment mon don. Comme ça se passe ici, je garde espoir qu'en Chine ça sera ainsi. Le directeur de l'Institut Confucius, Joseph Nzeimana, qui enseigne la langue et la culture chinoise dans certaines écoles secondaires et à l'Université du Burundi, se dit lui aussi satisfait du pas déjà franchi dans l'enseignement de la matière chinoise. Actuellement, l'enseignement de la langue chinoise connaît beaucoup de progrès. Au début, on avait pris ça comme un club simple. C'était les volontaires qui pouvaient apprendre le chinois. Mais actuellement, on est très avancé parce qu'on a déjà 6 facultés qui ont inscrit la langue chinoise comme un cours à crédit. Ça nous a beaucoup encouragé et ça a beaucoup encouragé même les étudiants parce qu'ils prennent le cours de la langue chinoise comme le cours de Swahili, comme le cours d'anglais avec crédit, avec 2 crédits affectés à son cours. Ça encourage beaucoup les étudiants. Le directeur de l'Institut Confucius appelle à tout élève et étudiant qui n'a pas encore adhéré à l'apprentissage de la langue chinoise de le faire dans l'immédiat, car c'est une valeur ajoutée à leur connaissance, ajoute-t-il. Merci à Évariste Nzikobanyanga. Page santé de ce journal. Ce 25 juin, le monde célèbre la journée du vitiligo. Eh bien, la maladie du vitiligo est caractérisée par des taches claires sur le corps humain est lié parfois au stress ou à un dysfonctionnement du corps dû à une transmission génétique. Cela est précisé par le dermatologue Eli Mupera. Il a dit justement ce 25 à l'occasion de la journée mondiale du vitiligo. Je vous prie de le suivre au micro d'Alida Daikez. La maladie du vitiligo, c'est une maladie extrêmement fréquente qui touche les sujets essentiellement jeunes et qui commence au niveau des organes génitaux externes, au niveau de l'anus, mais qui peut se propager sur l'ensemble du corps et va se manifester par des taches claires comme celles que l'on observe chez les albinos. Et ce sont des taches qui sont isolées. Isolées parce que au niveau de ces taches, il n'y a pas de démangeaison. La sensibilité, elle est normale. Ces taches peuvent se propager sur l'ensemble du corps et leur distribution est globalement symétrique, c'est-à-dire ce que l'on observe est sur le membre droit, c'est ce qu'on observe sur le membre gauche. Ça peut également toucher les muqueuses au niveau de la bouche, au niveau des mains, au niveau de la plante des pieds. Au niveau des cheveux, ça va donner une décoloration des cheveux blancs, essentiellement chez le sujet jeune. Quelles sont les causes de cette maladie? Et les causes de cette maladie sont multiples. Il a été évoqué des maladies auto-immunes qui sont dues à un dysfonctionnement du système immunitaire. Vous le savez, l'immunité, c'est pour nous protéger contre les différentes agressions, particulièrement particulièrement les microbes qui viennent du milieu environnant. Et dès que ces microbes viennent agresser notre organisme met en place des mécanismes de défense par le système immunitaire et qui vont se mettre à combattre ces microbes. Et s'ils combattent vaillamment, on ne développe pas la maladie. Malheureusement, dans certaines situations, il y a un dysfonctionnement du système immunitaire qui, d'une part, ne sait pas reconnaître ces microbes, va les confondre. Donc, il se met à fabriquer de mauvais anticorps qui sont chargés à détruire l'organisme qui les a produits. Et d'autres recherches ont pu mettre en évidence que c'est une maladie partiellement héréditaire et qui peut être due à une transmission génétique. Et d'autres travaux ont évoqué la part du stress. Dans tous les cas, l'ensemble de ces facteurs, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils vont détruire le système mélanocytaire. Le docteur Eli Mupela, dermatologue, indique en outre qu'il n'y a pas de prévention pour cette maladie. Il invite ceux qui remarqueraient des taches claires sur le corps d'aller consulter le médecin. Suivez-le encore une fois. Il n'y a pas de possibilité de prévenir d'avance qui aura cette maladie ou qui ne l'aura pas. Dans tous les cas, si la maladie se déclare, si on a des taches claires au niveau de la peau, il faut consulter le plus rapidement possible la structure de soins la plus proche, d'abord pour pouvoir poser le diagnostic. Et quand en cas de vitiligo, il y a beaucoup de médicaments, notamment certains qu'on applique localement, d'autres qu'on peut utiliser de manière générale, c'est-à-dire pas décomprimé. Ça donne un résultat mitigé, c'est-à-dire pas immédiat, mais dans la majeure partie des cas, pour ceux qui ont consulté de manière précoce, ça permet, à défaut de pouvoir corriger la lésion, de stabiliser la maladie. Donc, dans tous les cas, il faut traiter et il faut mettre les chances de son côté. Chez une bonne partie des malades, ça permet de faire régresser les lésions. Le docteur Eli Mupela, c'est un dermatologue qui répondait aux questions de notre consoeur Alida Ndaikeza. Parlons athlétisme à présent. Il n'y a pas de piste adéquate pour les entraînements et les compétitions d'athlétisme au Burundi. Et la seule piste disponible se trouvant au stade Prince Louis Rwagasore n'étant pas en bon état. C'est du moins ce que déplore Sylvère Nsengiyumva, directeur technique de la Fédération d'athlétisme au Burundi, au moment où cette dernière a organisé ce dimanche un meeting sportif marquant la clôture du championnat d'athlétisme édition 2017. Sylvain Nsengiyumva est au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Aujourd'hui, c'est un meeting national qui regroupe tous les meilleurs athlètes du Burundi, 200 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres et 5000 mètres. Les meilleurs se rencontrent ici aujourd'hui. C'est un meeting national où les meilleurs se rencontrent pour effectivement dégager une équipe nationale digne de son nom. Vous voulez dire que c'est la clôture du championnat aujourd'hui? Oui, c'est la clôture, mais c'est pas dire qu'on a terminé les compétitions qui sont sur notre calendrier. Donc, il y a d'autres compétitions à l'extérieur du pays, raison pour laquelle nous devons aussi nous préparer sérieusement pour voir si on peut avoir quelques athlètes qui peuvent nous représenter dans ces grands rendez-vous mondiaux. Vous parliez des compétitions internationales, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Il y a les Jeux de la Francophonie qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire au mois de juillet. Il y a aussi une compétition U18, c'est-à-dire moins de 18 ans, qui va aussi se dérouler au Kenya au mois de juillet aussi, du 22 au mois de juillet. Et aussi, il y a le grand rendez-vous, le championnat du monde senior d'athlétisme qui va se dérouler à Londres au mois d'août. Donc, ce sont les grands rendez-vous auxquels nous comptons, nous essayons de voir comment y participer. Vous évoquez manque criant d'infrastructures. Est-ce que vous avez déjà introduit une demande, une requête à qui de droit? La Fédération d'athlétisme du Burundi a réalisé juste un protocole d'accord avec le Comité national olympique sur le site de l'Olympe Africa. Et le dossier est déjà introduit au niveau de l'UDESAIF. Donc, nous attendons pour voir la suite réservée à cette requête. Dans les nouvelles des provinces, les habitants de la province Bubanza, regroupés dans des associations de développement, sont appelés à élaborer des projets qui seront financés par l'organisation dénommée Union africaine des ONG de développement. Et cela a été dit ce samedi dans cette province par Gad Irela, coordinateur national de cette organisation. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. L'Union africaine des ONG de développement, UAOD en cycle, va bientôt commencer à financer et à faciliter la mise en application des projets qui seront proposés et présentés par les populations regroupées dans des associations selon le coordinateur de cette union au niveau national. Kad Ireira a indiqué que les domaines d'intervention de l'UAOD sont notamment l'agriculture et l'élevage, la promotion du genre, de la femme et de l'enfant, la démocratie et la citoyenneté, la bonne gouvernance, et la lutte contre la corruption et autres. Et c'est dans le but de promouvoir le développement du Burundi en général afin d'atteindre le niveau d'autres pays africains. Le coordinateur national de l'UAOD, Kad Ireira, a profité de l'occasion pour présenter le point focal de cette union dans la province de Bubanza. C'était ce samedi lors du lancement officiel des activités de cette organisation. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle quelques titres. Les musulmans du monde entier célèbrent ce 25 juin la fête de Ramadan. Cher Haruna Ngunduwiga, un des leaders musulmans, appelle les musulmans burundais à ne pas dépenser au-delà de leurs moyens. À ce 25 juin, le monde célèbre la journée du vitiligo. Le docteur Eli Mupera, dermatologue, appelle toute personne qui voit des taches claires sur son corps à consulter les médecins. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Jean de Dieu Ndaisenga qui assurait la mise en onde. À l'équipe de rédaction de la radio Isanganiro, je dis également merci. Très bonne fête à tous les musulmans et à bientôt.